lendemain du 11 septembre 2001, la guerre livrée par Allah contre les infidèles de Dieu par l'entremise d'un Saoudien et d'un Texan n'était qu'une des étapes servant la mise en place d'un plan machiavélique ayant pour but le contrôle et la domination totale du genre humain. Mr. Speaker, Vice President Cheney, members of Congress, distinguished citizens and fellow citizens. Every year, by law and by custom, we meet here to threaten the world. La guerre froide est terminée et que la menace nucléaire n'est plus à l'ordre du jour, il fallait créer une autre menace dans le but d'entretenir la terreur chez les gens et ainsi pouvoir continuer à les manipuler par la peur. Alors, quoi de mieux que le terrorisme qui, comme un cancer, sans crier garde et sans prévenir, peut, de l'intérieur, vous ravager à tout instant, semant crainte et anxiété. La fin, justifiant les moyens, des tours et des immeubles sont sacrifiés à coups de missiles et de dynamite afin de créer une véritable psychose collective, donnant ainsi aux autorités en place le feu vert pour mettre en œuvre la phase suivante de leur plan démoniaque. Le niveau d'alerte est maintenu en permanence dans le seul but d'entretenir la terreur afin de mieux manipuler les masses et ainsi obtenir leur accord des décisions gouvernementales. C'est en maintenant trouver un nouvel ennemi, des coalitions allaient se former afin de combattre l'axe du mal et profiter de ce merveilleux prétexte pour envahir les États rebelles et prendre possession de leurs richesses naturelles. La guerre est devenue un business rentable. Les bombes servant à la destruction rapportent des millions à ceux qui les construisent, ceux-là même qui possèdent les compagnies engagées pour la reconstruction. Toujours sous le prétexte de la sécurité face au terrorisme, l'état policier est instauré et progressivement, la perte de droits et libertés est acceptée. Centaines de caméras de surveillance scrutant vos moindres faits et gestes, vous suivant à la trace, mémorisant votre visage dans un superordinateur afin de vous identifier et vous comparer aux millions de fichiers de sa banque de données. Des émissions de télé-réalité sont mises au goût du jour afin de nous accoutumer à l'omniprésence des caméras dans notre vie. Des lois spéciales sont adoptées afin d'obliger chacun à fournir la traçabilité de son identité où qu'il soit sur la planète. Déjà, les photos de nos passeports comportent des visages inertes afin de permettre la reconnaissance faciale par le système. Des logiciels spéciaux sont utilisés afin d'identifier tout comportement suspect, nous obligeant ainsi à nous conformer à une rectitude sociale. Quelle magnifique opportunité que cette chasse aux terroristes pour implanter le système de contrôle biométrique dans les aéroports, les gares et les lieux publics. De nouvelles technologies en plein développement sont déjà à nos portes. La biométrie de la reconnaissance de l'iris de l'œil fait déjà son apparition dans les grandes entreprises où un haut niveau de sécurité est requis. La nouvelle technologie de la reconnaissance du visage donne déjà des résultats prometteurs. D'anciennes techniques comme celle des empreintes de la main sont appliquées aux nouvelles technologies et font déjà partie du quotidien. La reconnaissance de la voix est une autre technologie utilisée, de même que celle de l'écriture. Immigration Department has started testing the latest biometric technology targeting identity fraud. The system, being assessed in Canberra, scans the human iris, comparing each unique pattern with information stored on departmental databases. A report on the technology's speed and accuracy will be presented to government early in the new year. The government wants the iris scanners online at airports and other border entry points as soon as possible. La société de surveillance biométrique n'est plus une simple fiction, elle est devenue une réalité au quotidien. Chaque jour, des millions de conversations, de messages et de fichiers transigent dans le cyberespace via Internet par réseau de fibres optiques, de câbles analogiques et d'ondes hertziennes. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites transiger via l'une de ces technologies réseau est susceptible d'être intercepté, déchiffré, lu et interprété par une agence gouvernementale mandatée à cet effet. Ces nouvelles technologies prêtes à porter sont autant de mouchards pouvant fournir de précieuses informations sur vos déplacements, votre façon de vivre et de penser. Loin d'être de la fiction, le projet Echelon, aussi appelé la Grande Oreille, est chapeauté par la NSA, intercepte à l'aide de mots-clés les textes et conversations de la planète entière grâce à de super ordinateurs capables de traiter à la seconde des milliards de mots et phrases que nous nous échangeons quotidiennement. Nous sommes donc tous, à notre insu, espionnés par l'État et susceptibles d'être considérés comme une entrave au système et à l'hégémonie des puissants de ce monde. Toujours sous le prétexte de la sécurité nationale, galvanisés par cette course aux terroristes, des lois sont imposées, encourageant la délation et donnant encore plus de pouvoir aux forces de l'ordre, rendant le simple citoyen un ennemi potentiel et brimant ainsi davantage les droits et libertés et le respect de la vie privée. Un geste devenu banal, l'utilisation de la carte de guichet, beaucoup plus sécuritaire que le papier-monnaie, s'est rapidement imposé dans nos vies. Chacune de nos transactions, laissant une trace dans le système, pouvant informer sur les lieux et les heures de nos déplacements, de même que sur nos habitudes de consommation. L'argent liquide est appelé à disparaître, parce qu'une fois en circulation, les banques ont peu de contrôle sur lui. Le concept de sécurité est devenu un leitmotiv et très subtilement, on parvient à nous faire accepter l'argent électronique pour tous les avantages qu'il comporte en oubliant ceux que le papier-monnaie nous procurait. Après la carte débit, la carte à puce s'imposera d'elle-même, car encore plus pratique, puisqu'elle accepte les transactions en petite monnaie et de façon beaucoup plus sécuritaire. Avec la miniaturisation de plus en plus poussée, ce microprocesseur pourra, dans un avenir proche, emmagasiner une quantité phénoménale d'informations. Couplé à une mini-antenne à radiofréquence, il commence déjà à être utilisé par les grandes compagnies pour l'étiquetage de produits de toutes sortes et rendra bientôt le code-barre bien désuet. Cette puce, connue sous le nom de RFID, sera bientôt intégrée à tous les produits et permettra à ces grandes compagnies de débiter la marchandise directement de votre compte tout en vous affublant de mouchards qui les renseigneront sur vous et vos habitudes de consommation. Déjà utilisée sur le bétail et les animaux de compagnie, cette technologie, une fois maîtrisée et bien en place, n'aura qu'un pas à franchir pour s'imposer aux humains. La puce sous-cutanée est déjà une réalité et présentement en phase d'expérimentation sur des humains. De la grosseur d'un grain de riz, cette puce sera bientôt capable d'emmagasiner la totalité de vos informations personnelles, comptes bancaires et dossiers médicaux inclus. Mais reste encore à faire accepter aux gens cette légère opération médicale. C'est pourquoi on prépare présentement la nouvelle génération à se familiariser à l'intrusion d'objets extérieurs dans le corps afin d'être prêt à accepter la puce. Sous de faux prétextes de sécurité, manipulant les peurs, on parviendra à faire accepter aux masses l'implantation de ce mouchard sans qu'ils se soucient du véritable enjeu que cache cette nouvelle technologie. Une fois cette technologie bien intégrée, il ne sera alors plus possible de se soustraire du système, car sans la puce, toute transaction sera désormais impossible. Ne restera alors qu'à y intégrer un GPS, et ainsi pouvoir vous localiser où que vous soyez si jamais vous deviez sortir des rangs. Les médias, grands manipulateurs de l'opinion publique. Des informations essentielles noyées dans un déluge de reportages insignifiants, diffusés par une multitude de médias au contenu semblable, banalisant ainsi la nouvelle, rapidement oubliée. Des images savamment sélectionnées dans le but de susciter en nous les émotions désirées. Des phrases et des images chocs pour mousser les ventes. Des sujets toujours plus sensationnalistes pour entretenir la psychose sociale. Des articles et reportages passés sous le crible de la censure afin d'uniformiser les contenus. Des contenus aliénants et banals qui minimisent nos facultés cognitives. L'avancée fulgurante des technologies de la télécommunication et de l'Internet favorise la concentration des différents médias. Sous le terme savant de la convergence, des monopoles se mettent en place pour un contrôle total de l'information. That he believes the Bush administration manipulated his findings, possibly to strengthen the rationale for war. The White House is not going to comment on it. I know nothing about it. I don't know. We made a decision that we weren't going to comment on it. I know nothing about it. We don't know. We're going to continue not to comment on it. I know nothing about it. I don't know. Nobody knows. And may God bless America. La télévision, quel magnifique outil de programmation mentale et de propagande. Bien implantée dans toutes les demeures, elle permet d'infiltrer la conscience de chaque individu dans le confort de leur vie privée. Sous le couvert du divertissement, elle dicte bien subtilement nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, nos façons de faire et de penser. Grande séductrice, elle nous complète dans notre individualisme et cultive nos pulsions les plus égocentriques. Sensationnaliste, elle cultive en nous les peurs, la violence et le négativisme afin de créer un état permanent d'anxiété face au monde dans le but de mieux nous faire accepter les solutions qu'elle propose. Médium passif, elle nous abrutit par son contenu vide et aliénant afin de faire de nous des esclaves dociles, incapables de réfléchir par nous-mêmes. L'arrivée de l'ère industrielle et de la production à la chaîne allait aussi engendrer l'ère des profits monstres par l'esclavage ouvrier. Les patrons, propriétaires des grandes cités ouvrières, récupèrent l'argent versé en salaire à leurs employés en leur revendant les biens matériels qu'ils ont eux-mêmes fabriqués. Un standard de vie moderne est valorisé afin d'alimenter en eux le désir de possession de biens matériels toujours plus nombreux, créant ainsi l'endettement qui les enchaînera encore davantage à cette nouvelle forme d'esclavagisme par la nécessité d'un travail permanent pour le remboursement de ses dettes à taux d'intérêt élevé. La peur de perdre ses biens, du confort et du mode de vie s'y rattachant, est alimentée par les compagnies d'assurance, ce qui garantit au système une main-d'œuvre docile et soumise par la crainte de perdre ce qu'il possède, mais qui, en réalité, appartient aux banques. Avec l'arrivée de l'automobile, de l'expansion des travailleurs et de l'économie à l'extérieur des murs de la ville, il fallait étendre le modèle de la cité ouvrière à l'échelle nationale, voire mondiale. L'expansion de ce pouvoir par la possession des moyens de production et la récolte de sommes de plus en plus faramineuses a évolué en ce que nous appelons aujourd'hui la mondialisation. Dieu argent est devenu maître du capitalisme. Le profit et le bénéfice net est devenu le nouveau culte des actionnaires corporatifs assoiffés de pouvoir. Le monstre de la croissance économique est une grenouille qui a pour seul but de devenir toujours plus grosse. Insatiable, elle dévore les richesses naturelles de la planète, pollue tout sur son passage et exploite les pays en développement. La rentabilité est sa seule raison d'être. L'argent, créé artificiellement au rythme de ses fluctuations, est engrangé par les puissants qui tirent les ficelles de ce système, par la prise de décisions qui affecteront le cours des actions en bourse. Les crises et les récessions sont créées afin d'équilibrer le système lorsqu'il y a risque d'éclatement de la grenouille, et cela au détriment des petits investisseurs et de la classe ouvrière. Croissance, inflation, récession, injection de capitaux. Le système économique est devenu un organisme vivant, une bête de nature nouvelle, créée et alimentée par les puissants de ce monde, dont eux seuls en gardent le contrôle. L'humain est devenu un robot servile, esclave des compagnies commerciales et de son système capitaliste. Pour avoir accès au modèle que les sociétés lui imposent, l'homme s'est fait l'esclave de ce système en échange du confort et de la sécurité matérielle. Et cela, au détriment de sa liberté et des populations mondiales. L'air qu'il respire, surchargé de polluants chimiques, l'eau traitée qu'il boit, dénaturée par le chlore et le fluor, la nourriture industrialisée qu'il consomme, contaminée par les pesticides, les herbicides, les antibiotiques, les hormones de croissance, les OGM, la radiation des aliments au cobalt 60 et la variété incroyable d'additifs alimentaires de toutes sortes, de même que toutes les ondes électromagnétiques, champs magnétiques et radiations de toutes sortes dans lesquelles il baigne quotidiennement, ainsi que toutes les autres formes de stress que son corps et sa psyché doivent encaisser dû à son rythme de vie moderne effréné, font de lui, chaque jour, un être de plus en plus malade et affaibli, et ainsi apte à être manipulé par la peur de la maladie et de la mort, manipulé par les grandes compagnies médicales et pharmaceutiques qui contrôlent ce système et en tirent leurs bénéfices. De mèche avec les compagnies qui nous alimentent, ces multinationales ont tout en leur avantage de nous maintenir dans un mode de vie malsain, car c'est avec la maladie qu'ils font leur profit. Ils n'ont alors aucun intérêt de nous voir heureux et en santé. Dans un monde où le profit et le bénéfice net est élevé au rang de culte suprême, où les corporations multinationales et leur puissant lobbying dictent les règles au gouvernement en place, où les enjeux de la mondialisation dépassent ceux des nations, où les conseils d'administration de ces grandes entreprises, non élus par le peuple, prennent des décisions qui auront un impact majeur sur l'environnement, le tissu social et nos vies. On ne doit pas se surprendre que le concept de démocratie soit biaisé. Mais comment peut-on croire à une démocratie véritable lorsque les règles favorisent les plus forts? Lorsque les amis du parti sont les actionnaires de grandes compagnies qui attendent un retour sur leur commandite? Lorsque la machine électorale, huilée à coups de millions de dollars, utilise à fond les techniques du marketing de vente pour convaincre l'électorat? Lorsque les hommes mis en place ne sont que les guignols manipulés par un pouvoir qui dépasse notre entendement, et que ce système est érigé comme standard planétaire et imposé par la force aux États rebelles. La démocratie est de la poudre aux yeux, un concept avec lequel on nous gave afin de nous donner l'illusion de la liberté de choix et d'opinion. Les vrais décideurs se situant à un niveau bien supérieur aux petits peuples et nations. Times, our fifth objective, a new world order, can emerge. Now we can see a new world coming into view, a world in which there is the very real prospect of a new world order. Mais qui sont donc ces maîtres du monde? Les États-Unis? Non, ils ne sont qu'un des bras tentaculaires d'une bête ayant comme tête un regroupement de personnes extrêmement puissantes venant des mondes de la finance, de l'économie, de la politique, de l'armée et des services secrets. Le bien des autres ne les intéresse pas. Ce qu'ils recherchent, c'est le pur pouvoir. Pour eux, la fin justifie les moyens. Tel un prédateur, le fort domine le faible et l'élimination des faibles est conforme au principe de la sélection naturelle. Pour eux, la vie des individus n'a pas tous la même valeur et ceux qui ont une valeur négative peuvent être éliminés dans l'intérêt supérieur. Pour eux, le peuple est par nature ignorant et stupide. Et le monde doit être gouverné par une élite éclairée. Banquiers, hauts responsables de sociétés multinationales, opérateurs du commerce mondial, il accumule l'argent, détruit l'État, dévaste la nature et les êtres humains, et pourrit par la corruption les agents dont il s'assure les services au sein des peuples qu'il domine. Leur but, le pouvoir, le réel pouvoir, non plus le pouvoir sur la matière qu'ils dominent déjà, mais le pouvoir sur l'homme et sur son esprit.